Sous la peste, les cieux s'arment contre la terre. La grêle et le feu frappent les champs comme un glaive dans l'air. Mais sous la grêle, tu caches encore ceux qui ont écouté ta voix. Car même dans le jugement visible, la miséricorde ouvre une loi. Celui qui écoute ta parole trouve encore un refuge. Encore ceux qui croient, même dans la...